Le banqueroutier, par Philaret Schall. Le jeune Arthur Blair avait fait ses études à Oxford sous la tutelle et le patronage d'un oncle fort riche, ou qui du moins passait pour l'être. C'était un vieillard goutteux, pour lequel toutes les sensations étaient mortes, la sensation du jeu exceptée, et qui, pour donner à sa vie l'excitation dont elle avait besoin, se plut à fondre dans ce terrible creuset le patrimoine que ses pères lui avaient légué. Il arriva donc au pauvre Arthur la chose la plus malheureuse du monde. Il fut élevé pour la richesse et forcé d'ériger lui-même l'édifice de sa fortune. Une éducation toute intellectuelle le prépara mal aux privations et aux travaux sans lesquels un homme pauvre ne peut espérer fonder le revenu de ses enfants. C'était un jeune homme intéressant que j'ai connu et dont la destinée malheureuse est un des plus tristes souvenirs de ma vie. Le fond de son âme et de son esprit, c'était la douceur, l'élégance même et une certaine tendresse maladive, féminine et presque mélancolique, qui rendait son commerce très agréable, mais qui ne l'armait pas contre les âpres douleurs dont la vie sociale est semée. J'ai vu peu d'hommes dont la pâleur de neige fut plus intéressante et la physionomie plus expressive de tous les sentiments affectueux et de toutes les pensées tristes et douces. Il avait les cheveux noirs comme le jais et les yeux d'un ébène éclatant qui tranchait avec la remarquable blancheur de son teint. À le voir, on lui aurait attribué non l'héroïsme actif d'une âme virile, mais le dévouement passif d'une femme. Beaucoup souffrir, rêver longtemps, sacrifier l'intérêt à l'affection, les devoirs ordinaires de la vie aux devoirs du cœur, tels étaient les penchants d'Arthur Bléard. Sa conversation était douce et sa société agréable. Jamais on ne le quittait sans le regretter, bien que peut-être une certaine énergie d'élan lui manquât, et que cette tristesse naturelle empreinte sur sa figure put affliger ceux qu'il aimait et passer pour un symbole de malheur à venir, pour je ne sais quelle prédestination fatale. Dans le naufrage de la fortune de son oncle, il sauva un faible débris et plaça ce capital dans le commerce. Une filature de coton s'éleva sous ses yeux, et par ses soins, et bien que la patience presque matérielle, la surveillance de tous les moments exigés par la manutention d'une telle entreprise, lui semblasse quelquefois pénible, comme un sentiment l'animait et le soutenait, il triomphait des obstacles que lui offrait le contraste de son caractère et de sa position. Sa filature était établie à Hampstead, dans un fort beau paysage. Elle prospérait, et j'allais souvent le voir. Je me souviens que les premiers poèmes de Walter Scott venaient de paraître, et qu'il s'imposait la loi de n'acheter la Dame du Lac et Rokeby qu'après avoir rempli dans toute leur étendue les devoirs que sa situation exigeait de lui. Je me rappelle l'exaltation mêlée de tristesse avec laquelle il comparait l'existence de l'homme dont de beaux rêves poétiques berçaient toute la vie et celle dont les journées obscures et laborieuses s'écoulaient dévorées comme broyées par le soin de la fortune et des anxiétés d'une industrie qui commence à prospérer. Tout en lui excitait l'affection et l'intérêt. Comme je m'étonnais un jour de ce qu'avec des goûts si opposés au négoce il eût choisi cette carrière, il me dit « Les autres carrières ne m'auraient offert aucune ressource pour acquérir l'indépendance dont j'ai besoin. La carrière ecclésiastique, féconde en honneur et en dignité, demande, vous le savez, beaucoup d'intrigues et de puissantes protections. Celle de l'enseignement public, confiée presque entièrement d'ailleurs aux ecclésiastiques, est obstruée par la foule qui s'y presse. Mais, lui dis-je, avez-vous besoin de fortune? Toutes vos habitudes sont simples et toutes vos idées philosophiques. Pourquoi adopter spontanément un genre de vie qui ne peut convenir qu'à un homme plus avide, plus âpre et plus prosaïque que vous ? Oh, me dit-il, votre observation est juste, et je l'ai faite le premier. Mais j'aime, et les parents de la jeune fille que j'ai choisie ne souffriront jamais que le mari de Lucille soit un homme sans propriété et sans avenir. Le père de la jeune fille dont je vous parle a conquis, à force d'économies faites dans le commerce, l'existence de sa famille et la dot de Lucille. Je n'ai point de meilleur moyen d'arriver à ce but, dont tout mon bonheur dépend, qu'en suivant la même route que son père a suivie et en sacrifiant tous mes goûts personnels à la félicité de mon avenir. Mon entreprise prospère jusqu'à ce jour, et je suis loin de regretter, je vous jure, l'espèce de triomphe que je remporte sur mes penchants lorsque je songe à la récompense qui m'attend. Vous la verrez, j'espère, bientôt, et quand vous l'aurez connue, vous me direz si l'esprit chimérique dont vous m'attribuez le malheur et le défaut m'a guidé dans le choix que j'ai fait. Le père de Lucille, qui demeure près d'Oxford avec sa famille, doit venir ici et me rendre visite sous peu de jours. Demain, peut-être, il sera ici. Je vous laisse à penser quel bonheur et quel espoir pour moi. Arthur était de ces hommes dont les sentiments ont plus d'étendue, de persévérance et de portée que d'ardeur et d'éclat. De ces hommes dans le cœur desquels les souvenirs se gravent, s'enfoncent et pénètrent profondément. La lenteur avec laquelle leurs affections naissent et se développent est un gage de la durée de ces affections. Dans un monde toujours mobile et vacillant, ils apportent une persévérance d'émotion et d'attachement qui constitue à elle seule une prédisposition au malheur. Lorsque tout change autour de nous, pourquoi ne pas changer? Telle était l'organisation d'Arthur, qui passait en général pour un homme froid et insensible. Il avait eu occasion de connaître à Oxford la jeune Lucille, dans la famille de laquelle il avait été reçu avec bienveillance. Depuis cette époque, Lucille avait été la pensée de tous ses moments. S'il eût été riche, il l'aurait épousée. Devenu pauvre, il travailla pour obtenir un jour la main de la jeune fille. Elle était digne de cette naïve, sincère et profonde affection qu'un si petit nombre d'hommes est capable de ressentir ou d'inspirer. Je la vis chez le jeune Pléard, dont elle alla visiter l'établissement avec son père. Lucille Berner n'était pas régulièrement belle. Blonde et colorée, elle avait quelque chose de cette animation et de cette vie qui distingue les brunes. C'était une jeune fille gaie, riante, naïve, et dont la sensibilité vraie ne s'était point affaiblie, souillée et décolorée par la lecture des romans, la fréquentation des théâtres et tout ce carnaval d'affections fausses, prétentieuses et folles qui détruit jusqu'à la dernière trace des émotions véritables. Elle était simple et candide, elle n'attachait pas de grandes phrases à de petits sentiments. Je félicitais sincèrement Arthur Bléard de son excellent choix, et ce fut avec grand plaisir que l'année suivante je reçus la lettre qui m'annonçait son mariage. Lucille Berner apportait à son mari une assez belle dot, et bientôt la filature atteignit un point de prospérité complète. Quoique mes occupations m'éloignassent de Hampstead et que j'habitasse l'extrémité opposée de la ville, j'aimais les dimanches surtout, époque de désolation et de silence pour les habitants de Londres, à visiter cette famille heureuse. Lucille, devenue mère, et qui en 2 années avait augmenté de 2 personnes la famille de son mari, n'avait rien perdu de sa fraîcheur et de sa gaieté. Soit que l'occupation constante de l'un et de l'autre les protégeât suffisamment contre les petites calamités du ménage, brouille, mécontentement, refroidissement, aigreur, ou que la parfaite dissemblance de leur caractère et la sympathie réelle de leur cœur donnassent à leur union cette douceur et ce charme si désirés et si peu communs. Toutefois, l'intérieur de leur maison était un modèle de paix, d'union, d'économie et de bon ordre. Quand on était là du bruit des raouds, du fracas des balles, des sottises de la politique, des harcèlements des journaux, de toutes ces passions sans cœur, mais non sans haine et sans malice, c'était à Hampstead, chez Arthur Bléard, qu'il fallait aller se reposer et se rafraîchir. Ainsi s'écoulait sa vie, mais un changement de scène rapide et inattendu vint menacer, vers la fin de 1826, sa fortune et son bonheur. À mesure que ses capitaux s'étaient accrus, il les avait employés à l'agrandissement de son entreprise, à la construction de vastes édifices destinés aux machines de sa filature. Peut-être la prudence lui aurait-elle ordonné d'agir autrement et de placer sur la banque une partie au moins de ses capitaux. Mais enhardi par le succès et possesseur d'un établissement florissant dont les produits trouvaient un débouché facile et journalier, Arthur ne songe qu'à l'agrandissement de cette fortune. Sa création a le résultat ordinaire et indispensable d'une fabrication trop rapide. C'est d'encombrer le marché et de diminuer nécessairement la valeur des produits. Beaucoup de filatures s'étaient élevées en même temps que celles d'Arthur, et la plupart des propriétaires avaient agi avec la même imprudence, pardonnable mais dangereuse. Bientôt, la demande des consommateurs n'égala plus la somme des produits fabriqués. On fut obligé de réduire le prix des salaires, et une révolte des ouvriers fut la suite de cette mesure. Et on les apaisa, moitié par la force, moitié par les concessions, toujours dangereuses. Mais l'année suivante, l'introduction d'une nouvelle machine qui réduisait plusieurs familles à la misère porta au comble l'exaspération de ces hommes. L'insurrection des ouvriers avait été tramée depuis longtemps. Elle avait, comme nous venons de le dire, éclaté une première fois et ne s'était apaisée que pour renaître avec plus de violence. Par un malheur assez rare, mais que l'emploi de machines nouvelles explique assez, un jeune enfant employé à la fabrication s'étant imprudemment placé sous une roue, dont le mouvement rapide était déterminé par la machine à vapeur, fut tué sur le coup. Rien ne frappe l'imagination du peuple comme ces accidents matériels, et que le hasard seul détermine souvent, mais qui ont pour lui une éloquence singulière. La machine meurtrière, contre laquelle toute la passion populaire s'était déjà soulevée, fut frappé d'un anathème nouveau et à jamais condamné. Un vieil ouvrier, chef d'émeute, homme politique et qui jouissait d'une haute influence sur ses camarades, ordonna que la cérémonie des funérailles se ferait avec une solennité qui serait une menace. Des drapeaux noirs chargés d'inscriptions contraires, non au gouvernement, mais aux inventeurs et aux propagateurs de moyens mécaniques, furent préparés par les ouvriers. Cette manifestation du sentiment populaire, si fréquente chez le peuple anglais, a quelque chose chez lui de solennel qui impose. Je me rendais chez Arthur Bléard, et je gravissais la colline de Hampstead lorsque je rencontrai la procession funéraire. La figure des assistants exprimait plus d'irritation que de douleur, plus de colère concentrée que de vénération pour les morts. Un cercueil magnifique, le cercueil de l'enfant, était porté par 12 bras vigoureux, et de toutes parts flottaient les banderoles déployées, sur lesquelles on lisait des paroles pleines de menaces et d'indignation. Tous les ouvriers des filatures situées aux environs de Londres avaient été convoqués à cette grande cérémonie, et malgré l'invitation de leur maître, ils refusèrent d'un commun accord de consacrer cette journée funèbre au travail. À cette journée succéda une soirée d'ivresse, dans laquelle les résolutions les plus violentes furent prises. Minuit sonnait, lorsqu'une cinquantaine d'hommes décidés s'avancèrent vers la filature, tous armés de torches de bois résine qu'ils n'avaient pas encore allumées et précédés de leur chef qui tenait en main un flambeau ardent. Cette marche muette et prudente empêcha que leur dessein ne fût reconnu et que la police n'en prévint les suites. Déjà, ils avaient forcé la porte de la filature lorsque Bléard fut réveillé par le bruit. Je ne peindrai pas la scène de tumulte et de désordre qui eut lieu alors. Au bout d'une demi-heure, les troupes arrivèrent, mais il était trop tard. Les machines étaient brisées, une partie des bâtiments était en flammes, et Arthur, en défendant sa propriété, avait exposé sa vie. Des secours apportés à temps, et la présence des troupes, sauvèrent une partie de la fortune d'Arthur, qui, deux mois après, fut dans l'état de relever son établissement sur des bases moins vastes. Mais son étoile heureuse avait pâli, l'époque de sa fortune avait fui, et des causes morales profondes concoururent à le pousser vers sa perte. J'ai dit que la constance était plutôt la faculté morale d'Arthur que l'énergie et la vigueur de l'âme. Il n'était homme ni à tenter un coup hasardeux dans l'espérance d'un grand succès, ni à se tenir debout, menaçant et fin, au milieu de la mauvaise fortune. La santé de sa femme avait été ébranlée par le tumulte de la scène nocturne que nous avons dépeinte. Il fallut moins de laisser aller dans les dépenses, abandonner quelques plaisirs simples et de bon goût, qui avait entrecoupé cette vie ailleurs uniforme et monotone de la filature, lorsque, sous les yeux d'Arthur, cette jeune femme charmante, et qu'il aimait, se décolora et se flétrit, lorsqu'elle vit les efforts de plus de 10 années évanouis. Un de ces maux contre lesquels il n'y a rien. Un découragement profond s'empara de lui, par degrés ses affaires allèrent moins bien, et la dureté des temps se joignit encore au changement qui s'était opéré dans son caractère, et à la diminution de ses ressources, le pauvre Arthur se trouva sur le penchant de sa ruine. Joignant encore à ses motifs l'infidélité de quelques agents subalternes et 2 ou 3 mauvaises spéculations et des créanciers inexorables, la banqueroute fut bientôt à la porte d'Arthur. Dans ces instants douloureux, je les fréquentais davantage. La douleur de cette maison était muette. Les 2 enfants étaient encore trop jeunes pour sentir leur malheur, et la mère, au lieu de se tordre les mains dans son désespoir, au lieu de passer les jours et les nuits à pleurer, était si profondément, si entièrement dévouée qu'elle souriait pour calmer son mari, qu'elle faisait de la gaieté pour lui rendre l'espérance et qu'elle engloutissait et cachait dans les derniers replis de son cœur brisé son chagrin personnel. Les femmes savent se dévouer ainsi. C'est un de leurs plus sublimes mensonges. Toute la dot de Lucille Berner avait été dévorée par l'entreprise d'Arthur et enlevée par sa banqueroute. Ainsi la femme dont il avait préparé avec tant de soin le bonheur futur se trouvait réduite à la misère, et il avait été le bourreau de celle qu'il aimait plus que lui-même et que la vie. Cette résignation, cette gaieté de Lucille contrastait trop vivement avec sa situation pour que son mari ne comprît pas tout ce qu'il y avait là d'héroïsme. Quand il fut question de régler ses comptes, sa plus cruelle pensée fut de laisser sa femme sans fortune et sans ressources, de la payer de son affection présente et passée en lui léguant la misère, et de ne rien réserver à sa vieillesse. Que l'on se figure une situation plus tragique, si l'on peut, Cet homme avait d'un côté des créanciers exigeants et avides, quelques-uns des titres usuraires, et qui tout haletant voulaient se partager ses dépouilles. D'un autre, une femme tendre, héroïque, résignée, qui lui avait livré sans crainte et sans réserve tout ce qu'elle possédait. Enfin, devant lui, la loi, une loi sévère et rédigée par des marchands avares, loi qui ne lui permettait pas de faire une seule réserve sur tous ses biens. Arthur, que je connaissais comme je l'ai dit, était le plus honnête comme le plus propre des hommes. Mais chez lui, la loi de l'équité naturelle l'emportait presque toujours sur la justice vulgaire, et telle que l'exige le texte de la loi. Il passa plus de 8 jours dans une indécision cruelle, ne sachant comment accorder ces deux principes qui se combattaient, le respect des lois et le sentiment de la justice réelle. Enfin, ce fut cette dernière qui l'emporta. Ce qui, avant le mariage, appartenait à la compagne de sa vie et de son infortune était bien réellement à elle. Longtemps avant que d'autres ne devinssent ses créanciers, elle était sa créancière sur parole. Arthur recueillit donc ses pauvres restes de la dot qu'avait apporté Lucille, ne les déclara pas, et abandonna le reste à l'action des tribunaux. La fraude étant inconnue au jeune homme, et les suites de sa conduite, que la morale justifiait et que les lois humaines condamnaient, n'étaient point prévues par lui. La somme qu'il avait réservée et placée sous le nom de Lucille, sa femme, chez un banquier d'Écosse, ne tarda pas à être confisquée et lui conduit en prison. La barbarie des lois anglaises dans cette circonstance dépasse toutes les bornes imaginables. L'arrêt était clair et facile à interpréter. Le juge fit simplement l'application de la loi et condamna Arthur Bléard à mourir sur le gibet. Un recours en grâce fut sollicité et ne fut pas sollicité en vain. On accorda au pauvre Arthur un jour de répit, le dimanche, et à sa veuve la permission de l'ensevelir elle-même, au lieu de livrer son corps à l'exécuteur. C'était Le Banqueroutier, par Philaret Challes.